n'entendrai plus le silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça reste pour toujours. Toujours ce même sifflement. Et dans mes insomnies, j'en pleure. C'est comme un nouveau deuil à faire, celui du silence. Je rêve de pouvoir rêver. Je rêve de pouvoir rêver comme toi. L'œil se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus fort mes acouphènes. J'entends, je sens, je pars, je me dis. Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. J'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, j'entends. Mais si j'en bats, je flanche, j'en peux plus, il me tue. C'est de famille apparemment. On préfère pas trop y penser. Et vaut mieux d'ailleurs éviter trop d'en parler. Car c'est en parlant souvent qu'on le laissera exister. Même si je sais que rien n'y fait. Pas l'oreille, elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus rare le sommeil. J'entends, je sens, je pars, je me dis. Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. J'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, j'entends, mais si j'en bats, je flanche. J'en peux plus, il me tue. J'ai essayé toutes les pierres mais rien n'y fait. J'ai essayé de méditer, ça m'a frustré. J'ai essayé d'en parler à mon frère mais ça m'a déprimé. Lui il bedave beaucoup trop pour oublier. J'entends, je sens, je pars, je me dis. Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. J'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, j'entends.